Chapitre 12. Le départ de la caravane. Le lendemain, de très bonne heure, avant le réveil de Pézenas, la rue Saint-Jean s'agita, ainsi qu'un navire partant pour l'Amérique. Le froid de la nuit persistait encore entre les maisons bleues et blanches de l'aube. Le soleil ne touchait même pas le coq rouge du clocher dans l'espace au-dessus de la maison des Guitoux. Les Guitoux, justement, se croyaient les premiers à ouvrir leurs portes. Mais Campal avait ouvert la sienne, ainsi que Boispeau, lequel, ayant achevé de pétrir pour la journée, s'était déjà présenté dans le salon de coiffure avec un tas de pain sur les bras. Rosette, au fond de la cuisine, a rangé son pot d'étouffée, du bœuf longuement bouilli dans l'ail et le vin, et dont le grand parfum de laurier et de graisse la faisait suer. Luc, en enfilant sa veste, qui offrait toujours un peu de difficulté à cause de la bosse, s'avança vers le ruisseau pour guetter la sortie d'Agnès. Son père, un sage qui n'abandonnait rien à l'imprévu, s'était attablé dans la cuisine. Il bourrait sa pipe pendant qu'un oignon trempait dans l'huile sur la table. Soulayrol ne s'était pas encore montré. C'est qu'il préparait, lui aussi, son panier de gâteaux, les meringues et les petits pâtés invendus des jours précédents. D'ailleurs, Soulayrol ne se pressait jamais. Même au travail devant son four, il sifflotait ou cherchait des rimes pour ses poésies quand il ne mangeait pas, grand mangeur, en effet, bien qu'aussi maigre qu'un sang de clou. Enfin, il ouvrit sa porte. Au même instant, Farabot ouvrait la sienne. Farabot, déjà coiffé de sa casquette, toujours si lent, si méthodique, qu'il lui fallait le double de temps pour respirer. Ne devait-il pas, chaque matin, se lever à cette heure d'aube pour mettre en branle son petit commerce ? Rouge et reluisant, embarrassé dans sa veste de drap, il exhalait l'odeur aigrelette de la boutique et de la cuisine, l'odeur de la colle et de la peinture. Campal, d'un saut, tel qu'un grillon, surgit de sa boutique. Fabarotte ne pouvait pas rester tranquille une seconde. « Eh bien, vieux camarade, tu as du courage ce matin? Nous allons faire notre lundi de Pentecôte. Je ne sais pas si le temps sera beau. Pardi, je ne demande pas mieux que de vous accompagner. Tu ne viens pas? Je ne sais pas encore, car tu comprends, mon ami? Nous t'invitons en plâtre, tu n'auras rien à payer. » Campal le laissa bafouiller et, sautillant de l'autre côté du ruisseau, jusque sous la fenêtre de Durante, il se mit à crier, les mains en porte-voix. « Ouais, Durante, tu dors? Toujours donc l'oreille sur l'oreiller? Durante, on t'espère, dépêche-toi. Boispeau est prêt. » Boispeau et Rosette apportaient dans la rue, avec mille précautions, le pesant panier chargé du pain et du pot de l'étouffée. Fabarotte s'empressa pour les aider, tendant les bras, cherchant à attraper une anse qu'il ne trouvait pas. Alors on vit déboucher de la ruelle de la poissonnerie, qui longe le four et les caves de son magasin, le maigre Soulayrol et son fardeau de petits pâtés. « Ah ah, nous voilà » salua-t-il. « Sans tout n'est pas encore rendu ?»« Non, et Durante qui n'est pas habillée. C'est toujours la même chose. Elle dort pendant 12 heures, puis elle nous racontera que des cauchemars la troublent. À qui diable peut-elle songer? Peut-être à sa cousine de Gabian qui caresse son héritage. » « Ah !» protesta Boispeau, « l'héritage de Durante. Elle n'est pas vieille, elle a le temps de jouir de son héritage, Dieu merci. » Boispeau, foi de Campal, tu n'es pas dégoûté. « Quoi? Tu m'injuries ce matin ?» Boispeau, les bras croisés, remua son front avec colère. Mais autour de lui, on riait, surtout Fabarotte, qui tâchait maintenant de prouver son enthousiasme. Agnès apparaissait à chaque instant sur sa porte, le temps d'examiner si Luc ne descendait pas. Elle avait beaucoup de besogne, balayait, apprêtait le déjeuner de ses patrons, ordonnait tout son ménage. Une fois qu'elle épiait du côté de l'église, une rougeur soudaine lui monta au visage, elle poussa un cri « Les voilà !» les Guitoux descendaient chez Campal au lieu du rendez-vous. Comme ils étaient en somme les maîtres de Roquemangarde, ils ne contribuaient pas aux provisions du festin et ils marchaient les mains vides, le père fumant la pipe, le fils balançant ses longs bras. Ils soupiraient, repus d'oignons à l'huile, bouffis dans leurs vestes d'alpaga, dans leurs culottes de toile grise. « Bonjour, salut à Guitoux. Eh bien, ça marche ?»« Tout est prêt, répondit Rosette. Nous n'attendons plus que Santou et nos deux demoiselles. » « Oh, Agnès, je la pardonne, parce qu'elle a beaucoup de travail. Mais Durante ?» Durante, justement, apparut au seuil de la maison. « Qui vient m'aider à chercher du bon vin dans ma cave ? » demanda-t-elle. « Moi, moi !» Boispeau accourut précipitamment. « Ne restez pas trop longtemps ensemble, » fit Campal. On s'arrêta net de plaisanter à cause d'Agnès qui s'avançait, parée en demoiselle, une broche de cuivre au corsage, un gros ruban bleu à son bonnet de lingerie. Derrière elle, son patron, levé plus tôt que de coutume, s'étirait encore, se frottait les yeux. Alors Campal et toute la bande sautèrent le ruisseau pour aller l'inviter à se rendre au moulin dans l'après-midi, ce pauvre qui ne voyait pas la campagne deux fois l'an. Agnès, cependant, se reposa en compagnie de Rosette sur le banc de Fabarotte, de sorte que les deux femmes semblèrent garder Guitounet au milieu. Seulement, Agnès s'approchait beaucoup du jeune homme, comme une chevrette heureuse qui, dans le pâturage, tressaille d'appétit. « Il te tarde de partir, Luc ? » demanda-t-elle. « Nous nous donnerons le bras si tu veux. Je me mettrai près de toi, à table. » « Alors, tu veux donc que tu me plaises ?»« Que tu es bête ! Nous sommes de la même ville et du même quartier, toi et moi. C'est si agréable de vivre à deux quand on est jeune. » On le dit, je ne l'ai jamais expérimenté. Ils éclatèrent de rire, un peu confus, un peu moqueurs l'un de l'autre. Même Agnès buta d'un coup d'épaule Luc Guitounet. Le choc de la bosse retentit contre Rosette qui guettait là-bas, sous la porte Saint-Jean, l'apparition de Santou. Rosette, dans le désir d'avoir de la joie jusqu'au soir, songeait profond et dédaignait ses pharaons de 30 ans, ignorant les jeux de leur âge. Pourtant, ma foi, Luc Guitounet lui avait manqué de respect. Elle se fâcha tout rouge avec de l'orgueil. « Quand vous aurez fini de jouer comme des ânes qui se frottent de la croupe ?»« Rosette, tu n'es pas polie. »« Toi, Luc, encore passe. Tu es un homme, tu ne recherches que l'amusement. Mais Agnès, à son âge ?» À l'instant, les hommes disparaissaient dans le magasin des Garrigues où celui-ci les invita à prendre une cerise à l'eau-de-vie pour tuer le ver du matin qui ronge l'estomac. Alors Agnès, délivrée de la surveillance de son patron, s'enhardit auprès de Luc, et d'autant plus que Rosette, impatiente, s'en allait voir sur le planol si Santou n'arrivait pas. Elle glissa son bras sur le dos du camarade, s'abandonna languissamment, avec mélancolie. « Mon Dieu, oui, dit Luc, je devine bien tes idées. Mais il faut qu'une femme ait le diable au corps pour s'imaginer qu'elle séduira mon père. » « Je me charge de le séduire. Je tiens le ménage important des Garrigues. Je puis tenir celui des Guitoux. » « Sans doute. Eh bien, vois-tu, ne compromettons rien par des imprudences. Moi, à la vérité, je ne pensais au mariage que de loin. Mais mon père a peur des femmes dans sa maison. Il dit qu'il faut se méfier, qu'elles sont du vent qui d'abord vous caresse, qui sème la tempête ensuite. » Agnès inclina le front, un moment de tristesse, et répliqua « Ah, mon Dieu, vivre avec toi, dans une boutique !» Elle l'étreignit jalousement de toute la force de son corps. L'autre vite se débattit. « Ah, vois-tu, si mon père venait, tu me serres trop fort !»« Eh bien, quoi, je suis une honnête fille !»« Sans doute, sinon je ne t'écouterai pas. » Mon père aime les natures calmes. Enfin, pourvu que je te plaise. » Les hommes sortaient de chez Garrigues en se frottant les lèvres. En même temps, Durante sortait de son magasin, précédé de Boispeau, muni tous deux de bouteilles poudreuses, et, très émue, la figure rouge, lui les manches retroussées, elle la coiffe de travers. Rosette revenait du planol en courant. « Santou qui arrive !» Santou apparut, monté sur son âne, qui, d'un pas indolent, longeait le ruisseau. « me voilà, camarade. Je ne suis pas en retard, c'est vous qui êtes à l'avance. » 6 heures sonnèrent au clocher, à l'horloge municipale, dont l'énorme voix se répercute jusqu'à Roquemangarde par le vent du sud. L'âne, devant le remue-ménage de tant de monde, s'arrêta de lui-même auprès de Rosette. Vite, on rangea dans les corbeilles les paniers de victuailles, les bouteilles, les longues flûtes de pain, les torches résineuses pour le retour du soir. Des fenêtres s'entr'ouvrirent au voisinage. Des têtes mal chevelues émergèrent, congestionnées de sommeil, ahuries et curieuses, les unes en coiffe aux brides dénouées, les autres en bonnette surmontée d'un pompon. Elles ricanaient, par envie peut-être. « Il ne nous manque plus, dit Cambal, que le tambour de Pantouquet. » Santou fit tourner son jacounel. On partit d'un pas alerte et gai. « Adieu, Garrigue, adieu, Valadier, adieu, Beaumont, adieu à tous, à ce soir. » La terre se ranimait aux rayons de l'aurore. L'horizon flambait encore du côté de la mer. À l'occident, sur la barre verte des Cévennes, des fumées épaisses s'élevaient, pareilles aux fumées d'une cité d'usine. Sur les collines prochaines, régnait l'azur très pâle, imprégné lentement d'une lueur rose, qui détaillait les arbres jusqu'à la cime et les lambeaux de tuiles arrachés, les brins d'herbe sur les toits. La terre, odorante comme un fruit, murmurait confusément. L'Hérault grondait dans son lit profond, sous les peupliers et les roseaux. Des sentiers, entre des cultures, au milieu d'un pré, tiré droit, rose de lumière, large pour les pieds des paysans. Parfois, deux petits oiseaux s'y rencontraient. Dégourdis et peureux, ils s'épillaient en frétillant, puis, espiègles, s'esquivaient chacun de son côté. Les blés montaient généreusement, dorés et fiers. Guitou les admirait comme sa richesse, la richesse du moulin. « Tout nous sourit, dit-il, la récolte sera bonne. » « Quel malheur, observa Soulayrol, que les amoureux se couchent au milieu des blés le dimanche. » « Il faut bien se coucher quelque part. » Et Boispeau observait Durand en souriant. La vieille demoiselle souriait aussi. On entendait sous les luzernes froufrouter des cailles en chasse d'amour. Lorsque l'une d'elles, effrayée par la troupe en goguette, s'envolait en jetant son monotone palbaba, Campal simulait le geste d'épauler un fusil. Ses gesticulations importunaient Guitou et Rosette aussi, qui suivaient son maître. Fabarotte ne se pressait guère, si content de se remplir les yeux de ciel et de verdure qu'il relevait à chaque instant sa casquette. Guitounet, les bras ballants, riait aux plaisanteries qu'Agnès lui murmurait à l'oreille, aux soubresauts dont elle le secouait brusquement de son corps radieux. Ainsi, à la queue-leu-leu, ils allaient par le sentier rougeâtre, qui, tantôt au flanc du talus, monte vers les champs, tantôt descend au niveau du chemin, où Santou bourrait jacounelle de coups de poing qui leur semblaient à tous deux des caresses. Seul, Soulayrol s'égarait par les sentiers roses des cultures, en proclamant aux vignes ses poésies. Le chemin, se creusant davantage, obliquait vers l'Hérault. Avant d'arriver à ce coude, jacounelle s'arrêta, écarquilla ses pattes bien à l'aise, et longuement, il renouvela une flaque où, d'habitude, il déposait son fumier. Après quoi, il fit une pétarade et repartit. Toute la troupe, même le majestueux Guitou, se divertit du sang-gêne de Jacounel, tandis que Santou, docile aux manières de sa bête, de nouveau se balançait gravement sur le bas. Hé ! Lui cria Campal, tu as bien mal élevé ton camarade. Il nous a provoqués, sais-tu ? Il est très propre, au contraire, puisqu'il ne veut pas salir son écurie.